Depuis, les arbres ont poussé, les anciennes routes se sont transformées en sentiers sinueux et seules quelques ruines et chariots rouillés témoignent de l'ancienne affectation du site. Cela fait maintenant plus de 11 ans que ces 15 hectares de forêt ont été rachetés par une bande de copains-copines militantes avec la volonté de préserver l'ensauvagement des lieux tout en expérimentant d'autres manières de vivre ensemble et de coexister avec la nature. Depuis près d'un an, une nouvelle dynamique voit le jour sur le terrain, avec la volonté de conserver l'esprit initial de cohabitation saine entre humaines et autres vivants, tout en invitant de nouvelles énergies à rejoindre le groupe. Le lieu sera ouvert à d'autres collectifs, basés à Bruxelles, Liège et Namur, mais aussi pour les personnes du coin qui peuvent également s'approprier le lieu. Pour ceci, un festival a été organisé avec une programmation participative et autogestion sur place. J'ai participé à ce festival et proposé un atelier radio avec prise de son sur place. À cet atelier, 4 personnes ont participé et ont baladé avec un enregistreur son prêté de Radio Panique. À la fin de l'atelier, j'ai récolté tous les sons et créé ce podcast. Un grand merci à ceux et celles qui ont collaboré à cette émission collective et spécialement aux participantes Silo, Léa, Luna et Shay. L'émission commence avec l'explication du lieu, les impressions des participantes au festival et termine avec la balade Chauve-Souris et est alimentée avec la musique de Emmeline Toucourt. Emmeline Toucourt est une auteure, compositrice et accordéoniste autodidacte. Histoire à chanter debout et bidule accordionesque, chanson fracassante, punko mélodique, reprise rapicier et composition chaotiquement personnelle. Et du réfort dans mon ciboire. Groupe d'improvisation sonore protéiforme, flûte, harpe, voix, électronique, qui ont été présents au festival. Toutes les infos qu'on vous donne ici dans cette émission, vous pouvez les retrouver sur le blog de tranchedanard.noblogs.org. Bonne écoute. On est ici à qui s'appelle Modavie, c'est ça. D'où vient ce nom, c'est quoi exactement ce lieu où on est et le festival d'aujourd'hui? On est au bord de la vallée du Houyou et on est sur une ancienne carrière qui redevient une forêt. Et c'est un lieu qui a été acheté par une bande de copains un peu fous et assez puissants dans le fait de vivre leurs idées. Et là, on est 10 ans plus tard. On a organisé ce festival pour faire découvrir ce lieu aux gens qui ne le connaîtraient pas encore, parce qu'on est certains et certaines que c'est un lieu qui peut accueillir plein de projets et sur lesquels plein de gens pourront se sentir bien. Et du coup, ce week-end, c'est pour faire découvrir le lieu et aussi le collectif, parce qu'il y a un collectif qui essaye de prendre soin de cet endroit, que des choses puissent y passer. Et voilà, comme on est ouvert, si ce lieu parle à des gens, ils sont les bienvenus pour nous rejoindre. Et tu dis collectif, c'est aussi le même collectif qu'il y a 10 ans, ou c'est un nouveau collectif qui c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est la différence entre qu'est-ce que c'était au début? Alors à la base, c'était une bande de copains, beaucoup qui squattaient à Bruxelles, certains qui avaient fait des études d'archi et du coup qui se démerdaient pas mal dans le fait de construire des choses, qui étaient à la recherche d'un lieu où ils pouvaient expérimenter et construire tout ce dont ils avaient envie de rêver. Et donc ils ont acheté ce terrain et ils ont créé une coopérative. Et puis c'est un lieu sur lequel l'argent n'a jamais été un critère. Donc tu pouvais être... Ce qui comptait, c'était l'énergie et la présence sur le terrain. Tu pouvais être coopérateur et ne jamais être là. Et tu n'avais pas plus ton mot à dire... que quelqu'un qui n'avait pas mis d'argent, mais qui lui était là, quoi. Donc c'est un lieu qui a accueilli plein de monde. Et donc en 10 ans, y a eu différentes périodes, mais il y a toujours eu une continuité entre ces différentes périodes, quoi. Nous, on est là aujourd'hui, mais on les connaissait, ces gens du début, on est passé sur le terrain à ce moment-là. Et... Enfin voilà, il y a toute une histoire, donc c'est plus du tout les mêmes personnes, mais il y a quand même un petit lien autour de l'attachement qu'on a à ce lieu aussi, quoi, parce qu'on a vu ce qui avait été fait à l'époque et c'était fou. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que les constructions qu'on avait faites, elles étaient illégales, que même si on est propriétaire, en fait, il faut demander des autorisations, des permis, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une forêt. Et on savait que les ennuis allaient arriver. Il y a 3 ans, on a eu un procès, donc on a dû tout déconstruire. Et donc aujourd'hui, on en est dans une phase un peu de transition. Et voilà, c'est pour ça qu'on est à la recherche de nouvelles énergies aussi, pour essayer que ce lieu puisse continuer. Et pour ça, il faut de nouveau racheter le terrain, c'est ça ? Et c'est quoi les enjeux ? Comment on peut continuer de toute façon ? Ou est-ce qu'il faut avoir vraiment cette 60 000 euros là ? Oui, hein, les coopérateurs, du coup, beaucoup de personnes qui avaient mis de l'argent, ils vont récupérer une partie. Et l'idée, du coup, c'est de faire lever des fonds pour rembourser ces personnes et créer une structure pour que ça pérennise les lieux, qu'il n'y ait plus une question de propriété. Et du coup, ça passe par la Fondation Marie-Jacob, qui sera du coup propriétaire du lieu. Mais on veut, en traitant, créer une ASBL qui sera gestionnaire de l'endroit en termes d'assurance, responsabilité, etc. Et du coup, voilà, il y a un peu cette passation qui devrait se faire en termes de temps, évidemment. Il n'y a pas un délai précis, mais c'est le plus tôt possible. On a commencé déjà à mettre des dossiers à d'autres fondations ou organismes qui pourraient donner des subsides, des subventions. Mais on cherche, on va dire, 45 000 pour régler la question de la vente du terrain. Plus, on aimerait avoir un fonds des 15-20 000 plus pour les travaux et répartir déjà avec une base pour ne pas se retrouver constamment avec ces questions d'argent qui reviennent. Et après, voilà, une fois qu'on fait cette levée du coût de 60 000, ça c'est très haut, mais c'est un peu plus raisonnable en termes de, voilà, si on veut remettre... des permis à la commune pour faire les travaux. Voilà, il y aura des estimations, etc. Et puis il y aura la question de l'argent. Comment l'argent pour faire fonctionner les lieux d'année en année. Mais ça, c'est plus des petites sommes. Alors peut-être il y aura des systèmes de contribution. Mais en tout cas, voilà, la volonté, c'est vraiment avoir plus de participation pour construire... un nouveau énergie collective qui puisse reprendre l'endroit. Ce que tu dis des travaux, c'est concernant l'accès à l'eau, l'électricité. Et aussi, une autre question que j'avais, c'est quoi le délai ? Est-ce que vous êtes en urgence de récolter ces sommes ? Ou est-ce que ça peut prendre quelques années ? Ce qu'on aimerait, c'est qu'on y arrive le plus rapidement possible. Une fois qu'on a trouvé l'argent... nécessaire pour changer de structure juridique et rembourser la part des coopérateurs qui voudraient récupérer leur argent. On peut vraiment alors commencer à s'amuser et à vraiment penser à ce qu'on aura envie de faire en n'ayant plus ce poids de ces questions-là qui sont en fait des questions super compliquées, super techniques, qui nous dépassent parfois et qu'on a besoin d'affronter. Mais en fait, si on est là aussi pour se demander comment on peut faire pour créer des espaces comme ça, de liberté, et que justement ça passe par arriver à comprendre tout ce fonctionnement, et en même temps ce qu'on a surtout envie, c'est d'être ici et de pouvoir y faire des choses. Du coup, plus tôt on y arrive, mieux ce serait. Et du coup, par rapport aux constructions, sur cette ancienne carrière, il y a des ruines qui avaient été retapées à l'époque et qui permettraient d'accueillir des collectifs, de passer du temps dans la forêt quand bien même il pleut ou il y a une tempête ou qu'il fait froid. Du coup, ce qu'on aimerait, une fois qu'on a réglé les questions financières et juridiques, c'est se demander à nouveau tous ensemble avec les gens qui seront là, comment on a envie de rénover ces ruines pour en faire des espaces d'accueil et alors réussir à être assez intelligent que pour déposer des permis qui seront accordés et que tout ça en fait soit pérenne, quoi. Comme disait Teresa, voilà, on n'est pas dans 3 ans un nouveau procès, mais qu'on puisse faire des choses sans toujours marcher sur des œufs ou avoir l'impression que le système va s'abattre sur nous, quoi. Et pour tout ça, vous êtes conseillée et Marie-Jacob, c'est quoi le rôle là-dedans? Ou c'est vraiment des énergies que vous devez en trouver entre vous, les compétences et l'énergie pour résoudre tout ça? Ben, on essaye de s'entourer des bonnes personnes, mais c'est pas toujours facile. Et puis aussi, ça peut coûter de l'argent en plus, devoir payer un bon comptable, voilà tout ça. Ah oui, c'est sûr que c'est trop bien d'avoir un groupe qui soit un peu hétéroclite, avec différents, enfin des gens qui ont des intérêts différents, et qui fait que dans l'idée, il y a quelqu'un qui s'y connaît, je sais pas moi, en construction, ou en gestion forestière, parce qu'il y a toute la question de la forêt aussi. Et aussi, voilà, s'il y a des gens qui comprennent un peu tout le jargon juridique ou administratif ou notarial, ben, c'est sûr que c'est bienvenu. Mais a priori, on n'est pas notaire. Donc voilà, on fait comme on peut. Mais ouais. Mais au niveau d'énergie, de nouvelles énergies pour le lieu même et pour les activités, là, il y a beaucoup de réactions. Parce que c'est un peu le deuxième festival que vous faites ici. Je crois qu'il y a cet endroit... appelle beaucoup de monde. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui sont enchantées. Ils trouvent aussi que c'est un endroit très beau, un havre de paix où on fait des chouettes rencontres. C'est un peu magique. Et du coup, c'est en termes plutôt d'énergie, comment s'auto-organiser. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent passer n'importe quelle période de l'année. Et comme il y a personne qui habite sur les terrains, C'est plutôt une recherche de comment s'organiser. Après, pour ces festivals, c'est vrai qu'on était plus un noyau plus restreint. Mais je pense que, voilà, en faisant plein d'appels réguliers, ça va s'élargir, les groupes... En tout cas, c'est une impression que j'ai, que chacun a sa façon dont amène sa pierre, quoi, amène sa graine. Oui, parce que ça, on voit aussi dans les différents ateliers et activités qui ont lieu. Donc c'est vrai qu'il y a des ateliers qui reviennent, mais il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Est-ce que vous pouvez un peu donner des exemples sur qu'est-ce que les gens peuvent venir faire ici? Ben déjà, pas forcément faire, mais je pense juste être dans la forêt. Enfin, c'est quand même un lieu vraiment incroyable et où tu te sens vraiment entouré de la forêt, perdu au milieu de nulle part. Donc déjà, ça fait trop du bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'intéresser à la nature et à la vie qu'il y a autour, ou faire des constructions, même si pour l'instant, on a ces problèmes de permis. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a un super ponton avec une vue... sur la vallée. On avait construit un treuil à l'époque pour pouvoir, avec tout un mécanisme pour pouvoir remonter depuis en vélo plein de marchandises. Il y a un sauna. Et puis c'est surtout les moments qu'on peut passer, quoi. On peut venir s'amuser à tourner une série de science-fiction, ou faire des ateliers d'écriture, ou faire des cercles de femmes ou des festivals de soins. Entre personnes cuir, ou des après-midi de jeux, ou des concerts, ou mille trucs, quoi. Est-ce qu'il y a maintenant une activité, un spectacle, un truc que vous avez impressionné? Moi, je suis impressionnée chaque fois comment chacun amène toujours ses propositions et ça se fait. Il y a eu un concert, il y a eu des jams, il y a eu des impros. Il y a eu des balades des plantes sauvages comestibles sur les terrains. Il y a eu une balade sur les chauves-souris. Il y a eu plein... Allez, c'est vraiment un partage, un chouette partage. Du coup, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est improvisé, bien sûr. Il y a à chaque fois des initiatives, mais après, ça s'ajoute et... Il y a eu télémaquillage, la grimpe sur les arbres. Il y a vraiment... Et des discussions aussi autour, quoi. Il y a aussi des discussions politiques qui c'est aussi un peu l'âme du lieu, quoi. Même si c'est pas affiché un vrai... Déjà, les processus et tout ça, c'est très politique. Du coup, les discussions aussi, ça, c'est chouette. Ben ouais, il y a moyen de faire plein de trucs, mais... Enfin, comme tu dis, en fait, c'est sûr que... Un des projets en soi aussi, c'est d'arriver à être ensemble, de permettre l'accueil de plein d'autres collectifs, pour que chacun soit dans un espace qui est safe, de comment on peut se rencontrer, de comment on arrive à fonctionner sur ce lieu, à s'apprendre des choses. Enfin, tout ça, en fait, pour moi, c'est ce qui est motivant, quoi. Là, genre, de voir plein de gens que je connais pas et de voir l'ambiance qu'il y a entre les gens et tout ce week-end, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. C'est toute la vie, en fait, qu'on peut créer ici. Je veux faire un truc que je fais jamais, jamais de ma vie, parce que en fait, l'air de rien, je fais genre tout va bien, mais je les travaille les chansons avant. Et là, je vais vous chanter une chanson que j'ai pas terminée, et que parce que je voulais écrire une chanson sur Modave, et que bah autant vous chanter le premier refrain. Voilà, voilà, c'est un plaisir. Salut. Ok. Tu traverses l'existence, c'est joli, c'est crevant. Crapahute tes errances et ton corps résistant. Cherche un refuge, un abri, un écran, mais les pauvres, quelle que soit leur galère, n'ont pas le luxe que certains voient comme juste un effort d'être propriétaire. Toi qui sais pourtant si bien que tout est passager, que les bases les plus solides finissent par fissurer, tu te retrouves à rêver presque en dernier recours d'une terre promise, comme dans les livres de contes ou dans les best-sellers qu'on lit dans les églises. Tu auras marché longtemps et tout ce que tu voulais, c'était poser simplement ton cul dans un bout de forêt. Mais il n'y a pas un seul point qui ne soit pas déjà à quelqu'un et tu t'es fait chasser. Si tu veux te ressourcer, il va falloir bosser pour ton petit bosquet privé. Ciao, on se casse en mode avis, le téléphone en mode avion. Heureusement que dans ce monde qui erre, il y a des gens qui sont assez cons pour ne pas vouloir devenir propriétaire. Ciao, on se casse en mode avis, le téléphone en mode avion. Heureusement que dans ce monde qui erre, il y a des gens qui sont assez cons pour ne pas vouloir devenir propriétaire. Pour celles qui ne sont pas encore venues, l'idée c'est que ces 15 hectares de forêt qui ont été achetés par des copains il y a 11 ans, il y a eu plusieurs formes de vie communautaire qui sont faites ici. Et maintenant, ça fait 3 ans que tout a été déconstruit. Donc on a perdu un procès et donc pour éviter les gros frais juridiques, toutes les ruines qui avaient été retapées ont été détruites. Et là maintenant, on est en train d'essayer de trouver les 40 000 euros manquants pour rembourser les personnes qui veulent récupérer leur part. Et il nous faudra encore 20 000 euros pour qu'on puisse faire les travaux. Donc là, l'idée c'est qu'il y a un fundraising qui est lancé. On a récolté 7 000 euros et on a encore normalement 15 ou 20 000 qui sont assurés, mais donc on manque d'argent. Et donc si vous avez des pistes pour avoir de la thune, c'est cool. Et voilà, là l'idée maintenant c'est qu'on veut rassembler plein de nouvelles énergies et que le terrain soit le plus ouvert possible et donc voir un peu ce qui est possible de faire ici, en sachant qu'on pense à des stages nature enfant, des week-ends psychédéliques ou pas, sobriété ou non, mixte ou non. Là maintenant on a ici et c'est trop un accord avec les personnes qui viennent faire de la highline, pour qu'on puisse communiquer avec eux, pour pas qu'ils viennent non plus tout le temps installer leur ligne quand il y a des choses qui sont peut-être pas propices et compatibles. Et voilà, mais je pense que maintenant on est vraiment content de voir qu'il y a plein de belles énergies et que le terrain charme les gens autant que nous. Mais comment les gens qui ont envie de venir la prochaine fois ou venir ici dans le lieu ou vous contacter, comment ça, ils peuvent vous joindre? Alors dans un premier temps, on va essayer de mettre un maximum d'informations sur le site de la Fondation Marius Jacob. Donc c'est fondationmariusjacob.org. Là il y a une page dans l'onglet fonds spécifique qui s'appelle Modavie, zone d'utopie concrète je pense. Donc concrètement là on veut mettre les moyens de contact. Donc il y a un mail pour le moment qui existe où c'est modavie@protonmail.com. avec un 0 à la place du O et un 1 à la place du I. On n'a pas fait au plus simple, je ne sais pas pourquoi. Et pour le reste, on a envie de pouvoir utiliser cette page-là pour communiquer sur les chartes, les valeurs du lieu, qu'est-ce qu'on attend, les personnes qui viennent sur place, comment elles peuvent s'impliquer, et aussi peut-être partager un peu les guides des bonnes pratiques qui concernent par exemple la gestion de l'eau, la gestion du bois et tout ce genre de choses. Donc, maintenant, on est hébergé sur le site de la Fondation de Marie Jacob. Si ça se trouve, d'ici 1 ou 2 ans, il y aura de l'énergie pour développer un site qui soit plus indépendant et prendre plus de taf là-dessus. Mais bon, là pour l'instant, le gros de l'énergie est plutôt consacré à trouver les fonds, régler les questions administratives et redonner une dynamique qui donne envie aux gens de s'impliquer dans les chantiers. Et à ce niveau-là, j'ai l'impression que ce week-end va pas mal y contribuer parce que plein de personnes découvrent les lieux pour la première fois. Et si les gens kiffent autant que moi, à mon avis, on sera nombreux, nombreuses au prochain chantier, au prochain rassemblement. Mais t'as déjà une idée, le prochain week-end chantier ou autre, est-ce que c'est encore cette année-ci? Qu'est-ce qu'on vous envisageait un peu le timing? Moi, personnellement, je suis disponible début juillet. Donc, je vais peut-être essayer de motiver une team de venir début juillet. Et dans mes rêves les plus fous, on reviendrait aussi ici à un moment en septembre, mais à voir si ça peut se mettre en place. Et donc voilà, après j'ai pas non plus l'énergie de porter de ouf, donc je jette un peu des bouteilles à la mer, je dis des dates, et s'il y a des gens à qui ça parle et qui veulent s'en emparer, c'est cool. Et ça aussi, cet agenda-là, on le mettra sur le site de la Fondation Marie Jacob. Ok, d'accord, merci pour ton énergie. Avec plaisir, c'est sur le gros kiff d'être là. Ouais. C'est un bon morceau pour apprendre un peu. Arpège et gamme. Ça fait ça, ouais. C'est arpège et gamme, ouais. C'est un bon morceau. En plus, les aristochats, c'est comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, ré. Do, mi, sol, do, sol, mi, do, do, mi, sol, do, sol, mi, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais, t'es bien, toi. Tu fais quoi en fait? Au pire, on se rejoint sur le sol mi, quoi, tu vois. Genre. Parce qu'après, c'est un peu flou. Tu veux qu'on recommence depuis le début? Vas-y. Je vais vomir. Waouh, mais ça a l'air très acrobatique. On vient de voir un combat chaussette et on entend un peu des cris, on entend des gens rigoler et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Allez, ça marche comment ce combat de chaussettes? Ben, c'est un combat de catch aérien où on est tous les deux. Donc il y a deux adversaires qui sont suspendus à une corde avec un baudrier dans les arbres. Et donc on est vraiment à, je sais pas moi, 2 mètres du sol. Et on n'a pas de chaussures, ce qui fait que nos chaussettes, on doit remonter aussi un peu notre pantalon, ce qui fait que nos chaussettes sont complètement à la merci de l'autre. Et l'objectif, c'est d'essayer d'enlever les chaussettes de son adversaire, les deux chaussettes. Et du coup, évidemment, il faut essayer de ne pas se faire enlever ses chaussettes et d'enlever les chaussettes de l'autre. Ça a été facile à faire ou ça demande de stratégie? Bah, c'est, on est dans les airs, donc ce n'est pas si facile que ça, parce que tu as tout un tas de trucs à gérer en plus, parce que bah, t'as pas l'habitude d'être suspendu. Mais c'est plutôt, je dirais, physique. Tu te débats un peu avec la gravité et avec où va ta corde, où va le vent et où te pousse ton partenaire. Donc ouais, c'est un peu physique. C'était rigolo. Et tu veux avoir la revanche maintenant? Parce que... J'avoue que j'ai perdu 2-0. Du coup, ouais, peut-être, pourquoi pas. Je demanderai à Camille de recombattre contre moi parce que c'était un peu frustrant. On est ici à Moldavie, ça s'appelle. Comment vous êtes arrivés ici et votre impression jusqu'à maintenant? Nous, on est un groupe de copines qui faisons du foot ensemble. Et dans l'organisation de Modav, de personnes qui sont là depuis quand même pas mal d'années, il y a donc Tété et Pauline. Pauline qui fait plus du foot, mais qui est passée par le foot, voilà. Et Tété qui fait encore du foot avec nous. Du coup, elle nous a parlé de cet endroit. Et donc, on a décidé de venir ensemble pour un peu voir un peu l'énergie qui se dégageait de ce lieu, voir comment nous, on s'y projetait, comment on pourrait s'impliquer. Et chouette surprise parce que tout le week-end est rempli un peu de plein de petits moments rigolos et que c'est un super chouette lieu pour venir un peu loin de la ville, se ressourcer et mettre un peu son GSM de côté et son ordinateur et puis juste être là et faire des activités. Bah, apparemment, ce festival, c'est pas juste un festival avec des spectacles et des activités. Dans un lieu en nature, c'est plutôt une carrière ici. Forêt sur une colline. Mais apparemment, il y a eu un appel pour venir ici pour parler un peu de l'enjeu de ce terrain. Vous connaissez un peu l'histoire? Vous savez un peu c'est quoi le but de ce festival? Donc, je pense pas avoir toutes les infos, mais... Je pense qu'il y a des besoins d'énergie pour garder le terrain et qu'il puisse continuer à être autogéré dans un petit groupe et ouais, qu'il puisse perdurer en fait. Et donc j'ai l'impression qu'il y avait aussi des histoires d'argent, de trouver de l'argent pour racheter les parts et pouvoir garder le terrain de nouveau. Et donc en effet, ouais, si j'ai bien compris, c'est recherche d'énergie et pour maintenir le projet, quoi. On a assisté à une discussion sur comment faire perdurer le projet, quelle personne serait prête à s'investir. C'est toujours un peu compliqué, en tout cas pour moi, de me projeter, mais ça donne envie de pouvoir venir aider de temps à autre, ponctuellement, et de soutenir ce truc-là qui est très cool. Et dans la discussion, ils ont un peu proposé quel type d'engagement il y a un moyen de faire. Ou est-ce qu'il y a un noyau qui continue à... J'ai l'impression qu'il y a un noyau qui est là depuis très longtemps. Puis il y a des gens qui sont venus par-dessus. Mais donc, je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Hein, mais si j'ai bien compris, c'était ça. Et qu'il y a aussi des énergies qui s'épuisent. Donc, il y a une fille qui disait qu'il y a besoin de 109. Et j'ai l'impression que c'est assez vrai comme image. Et alors, au niveau des projets, ils ont défini... Sur ce tableau-là qu'on voit, c'est différents groupes de travail. Je pense qu'il y avait un groupe de travail pour remonter le treuil qui permet de monter du matos ici. Moi, je me souviens d'un qui m'a marqué, c'était sur la gestion de l'eau dans l'espace ici. Parce qu'il n'y a pas un accès d'eau ici, c'est ça? Oui, c'est ça. En effet, là, on en a vu pas mal débarquer avec des brouettes et des bouteilles d'eau qui sont montées depuis en bas. Donc ouais, je pense que ça, c'est un des gros enjeux. Enfin, le festival, c'était aussi pour... que des nouvelles personnes puissent venir à Modav et se sentir bien et pouvoir reprendre un peu le projet, puisque comme tu disais, il y avait des énergies s'essoufflait aussi et qui avait besoin un peu de sang neuf. Et puis aussi, c'était des réunions, pas que pour dire « Ok, investissez-vous », mais un peu pour voir le futur. Qu'est-ce que vous imagineriez bien? Qu'est-ce qui pourrait bien se mettre? Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez justement des trucs où vous dites « Ah non, pas du tout » Enfin, pour pouvoir continuer à faire vivre le lieu, quoi. Et donc, c'était un peu chouette parce que même si tu te pointais pour la première fois, tu pouvais dire « Oh, ben tiens, moi j'aurais bien ça » sans pour autant t'engager dans quelque chose qui dure pendant 2 ans. Mais c'était aussi une idée un peu de brainstorming, de récolter un peu toutes les idées. Et en effet, il y avait quelque chose un peu de pratico-pratique de « Ok, comment on fonctionne maintenant? Quels sont les groupes de travail? Quelles sont nos priorités ?» Voilà. Tout en disant aussi, je crois qu'un point qui était important, c'est de dire que tout le monde pouvait s'investir à la hauteur de ce qu'il voulait et que ça ne devait pas empêcher non plus des nouvelles personnes de pouvoir s'intégrer et d'avoir une grande part dans la décision de ce qui allait être fait, quoi. Bah donc, merci pour cette explication et pour votre impression. Bonjour, je vais interviewer ce monsieur ici présent. Monsieur, comment vous vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Moi, je m'appelle Luna, merci. Nous allons vous poser des questions. Est-ce que vous aimez ici cet endroit ? Oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que la nature y est belle et que j'ai déjà, ça fait un peu moins de 24 heures que je suis là et j'ai rencontré plein de personnes absolument fantastiques. Est-ce que vous faites une activité ou quelque chose comme ça ? Eh bien oui, hier soir en arrivant, j'ai proposé une balade acoustique à la découverte des chauves-souris. Et puis aujourd'hui, je me suis déjà baladé un peu sur le site pour découvrir un peu d'autres activités. Et puis j'ai même aidé à transporter un peu de matériel tout à l'heure. Et vous allez refaire cette balade pour les chauves-souris ? Oui, je crois. En début de soirée, on pourrait reproposer une petite balade à la découverte des chauves-souris. Ok. Et vous voulez nous dire autre chose ? Je voulais dire merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette organisation. C'est vraiment super. Et aussi merci à la nature et au soleil, parce que là, je suis très bien installé dans une brouette. Voilà. Est-ce que vous avez une question ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question ? Oui. Est-ce qu'un petit maquillage, ça te tenterait ? Un maquillage ? Un maquillage, oui, beaucoup. Là-bas, il y a le centre de maquillage. Comme vous voyez, moi, je me suis déjà maquillée. Ouais, je vois ça. Vous êtes très belles toutes les deux. Merci. Notre interview est finie ici. Ouais, merci pour l'interview. De rien. À bientôt. Alors, c'est une interview de Luna qui va nous donner ses impressions sur le festival. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Luna. Luna, tu as quel âge ? 8 ans. 8 ans et demi, et c'est la première fois que tu viens ici ? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est ici, ce lieu ? C'est un endroit naturel. Et est-ce que tu sais ce qu'on est venu faire ici ce week-end ? Vous ? Nous tous. S'amuser avec les activités. T'as fait quoi comme activité ? J'ai marché sur un fil avec une corde, puis après... j'ai fait une balade pour entendre les chauves-souris et j'ai pas encore fait toutes les activités. Il en manque encore, là tu vas encore en faire. Oui. Mais je vois, Luna, que tu es maquillée, tu as un magnifique maquillage. Oui, il vient de là-bas. Et c'est toi qui leur as demandé d'avoir ces couleurs-là ? C'est elle qui m'a maquillée et moi je lui ai demandé si elle pouvait maquiller en princesse de la musique. Ah oui, c'est pour ça que t'as une petite note sur ta joue. Aussi de l'autre côté. Wow. Et du coup, Luna, qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Tu restes encore ici avec nous ? Tu fais dodo ici ? Oui. Et tu fais dodo où, toi ? Dans une tente. Dans une tente ? T'as pas eu trop froid la nuit passée ? Non. Comme sur des roulettes, quoi. Une bonne petite nuit. Oui. Eh ben, cool. Tu vas faire quoi d'autre comme activité ? Je n'en sais rien. Tu te laisses un peu vivre, tu verras en fonction de ce qui arrive. Oui. Ça te plairait de la bagarre de chaussettes ? Parce que ça existe peut-être. Ah ouais, t'as pas vu, il y en a là-bas en haut qui font de la bagarre de chaussettes. Ils s'accrochent dans les arbres avec un baudrier et alors ils essayent d'enlever les chaussettes de la personne en face. Ouais, je vais essayer. Et ce soir, je vais encore y aller à la balade pour entendre les chauves-souris. T'as bien aimé ça, les chauves-souris ? Oui, sauf que je suis pas y allée à la rivière. Comment ça se fait ? Bah parce que après je suis allée faire dodo. Ouais, c'est vrai qu'il faisait un peu froid, il était un peu tard. Oui. Mais t'as pu les entendre ? Oui. Si tu devais me refaire un petit cri de chauve-souris, là. Tch-tch. Elle faisait comme ça ? Comme un T. Comme un T ? Et alors, pourquoi elle faisait comme un T ? Parce que ce sont des ultrasons que les humains peuvent pas entendre et que le monsieur, il avait une machine pour entendre les chauves-souris. Waouh, dis ! T'as bien retenu ? Comment elle faisait quand il y avait plein d'arbres ? Qu'est-ce qui se passait quand il y avait plus d'arbres et qu'elles allaient chasser tout ça ? Tu te souviens ou pas ? Bah, il y avait beaucoup. Elle faisait beaucoup plus. Elle faisait comme ça. Et ça, c'était pour découvrir autour d'elle ce qu'il y avait ? Oui. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elle sortait la nuit ? Bah, parce que le jour, elle dorme. Et du coup, la nuit, quand elles sortent, qu'est-ce qu'elles vont faire près des rivières ? Chasser. Et elle se transforme en vampire ! Eh bien, merci Luna. Merci beaucoup pour cette petite interview. Qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie, toi ? Chanter. C'est bon ? Et faire du cheval et plein d'autres choses. C'est pour ça que t'es une princesse de la musique. Parce que j'adore chanter. J'adore chanter. Tu veux nous chanter un petit quelque chose ? Non. Ok. Bon ben merci Luna. Passe une bonne fin de festival. Vous aussi. C'est génial. Allez. Trop bien. Yeah. Salut. Salut. Nous sommes à Modaf. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses de cet endroit? C'est un endroit que je trouve très joyeux, très convivial. Et j'aime bien le changement de température, de temps, de météo. C'est toujours une ambiance différente en fonction de ce qui se passe. Et voilà. Et je trouve que les gens sont trop chouettes. Voilà. C'est pas des choses très, très élaborées, mais je trouve que parfois il faut apprécier les choses simples. Et vraiment, c'est un peu le retour à la simplicité que j'apprécie ici à Modave. Bonjour maman, comment vous vous appelez ? Bonjour mon cœur, je m'appelle Viola. Comment trouvez-vous ce week-end ici ? Ah, c'est plutôt extraordinaire. Je suis très heureuse que tu sois là aussi. Le seul enfant représentant de l'espèce enfantine. C'est trop bien. C'est trop bien d'être à Modave. Il y a la nature, il y a les amis, plein d'activités super chouettes. J'ai pas encore eu d'éthique, donc je suis aussi très contente. Mais qu'est-ce qu'il y a comme activité que vous avez déjà faite ? On a fait une belle balade, on a fait une balade pour écouter les chauves-souris. J'ai grimpé dans un arbre, c'était très très dur, je me suis arraché un peu les bras. J'ai essayé la slackline, on m'a expliqué comment monter et se laisser tomber pour faire éventuellement de l'highline, mais je crois que j'ai trop le vertige pour essayer. Puis on a mangé, il y a eu un feu, on a chanté, il y a des spectacles et je crois que je ne sais pas tout ce qui se passe exactement. Et il y a plein de gens qui arrivent aussi. Super. Qu'est-ce que c'est Modave comme lieu? Dites-moi. Mais Modave, moi je ne sais pas exactement, mais on m'a un peu expliqué. C'était une carrière de pierre dans le temps qui a été abandonnée et il y a un groupe de gens qui ont eu envie de s'en occuper, de l'habiter, mais de façon respectueuse de la nature. Du coup, il y a un groupe de personnes qui ont habité sur cette colline pendant plusieurs années. Ils avaient construit des cabanes et puis malheureusement, on leur a demandé de tout détruire. Et là maintenant, il y a de nouveau un groupe de gens qui se posent des questions sur comment garder ce lieu et comment continuer à l'habiter tout en respectant le lieu sans abîmer la nature. Ça, c'est ce que je sais. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres gens que vous avez invités pour venir avec vous ? Mais il y a Mathias et Ophélie. Ophélie, elle ne connaissait pas le lieu et c'est moi qui lui en a parlé. Et puis, il y a ceux qui m'ont invité, moi, en fait. Parce que moi, je connaissais pas trop de gens. Et voilà. Ok, nous avons fini de vous inviter à interviewer, mademoiselle, maman. Alors, ce qu'on entend là, c'est le bruit des vélos qui vont nous amener de l'électricité. Et on va tout de suite interviewer une personne. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Thomas. Et Thomas, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je suis en train de pédaler sans bouger. Tu pédales sans bouger, c'est-à-dire ? Je produis de l'énergie. Pourquoi est-ce que tu pédales pour produire de l'énergie ? J'ai l'impression qu'il y a un concert en train de se mettre en place devant moi. Et donc, je pédale. Et donc, tu pédales parce que nous n'avons plus de générateur. Nous n'avons plus de générateur, donc je pédale pour me rendre au concert. Magnifique. Eh bien, merci Thomas. Continue donc à pédaler. Nous allons voir un de tes coéquipiers. Ah, c'est une coéquipière qui vient prendre le relais. Explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire. Je suis en train de pédaler pour donner de l'énergie au concert qui va bientôt commencer. Apparemment. Et tu sais combien de temps il va falloir que tu pédales ? Aucune idée. Je me suis lancée dans une aventure tout à fait inconnue qui commence déjà à me fatiguer. Et du coup, là, il y a trois vélos qui sont l'un côte à côte en train de pédaler, mais peut-être un quatrième, là. Ah ouais, j'avais pas vu. Bah écoute, j'aurai un quatrième coéquipier. Ah non, il semble qu'il est totalement dégonflé. Ah, merde. Bah écoute, on sera trois. Mais de toute façon, même s'il est dégonflé, on peut quand même pédaler, non ? Je ne pourrais pas répondre à ta question. Mais du coup, donc vous pédalez pour essayer de mettre du son, globalement. De l'énergie pour amplifier le son, on va dire, plutôt. Enfin, si j'ai bien compris. Moi, je suis pas physicienne, je suis juste là pour donner de l'huile, l'huile de jambe. Et c'est une bonne situation, ça, pédalière ? Pédalière, écoutez... Ou pédaleuse, hein, peut-être. Pédalière, c'est pas mal. Ça paye en coup de soleil et en sueur. J'aime beaucoup. Ça te permet quand même de rester en forme. Mais c'est vrai que c'est pas une carrière très... t'as pas beaucoup d'évolution, de perspective d'évolution, on va dire. Ça pédale, quoi. Ça pédale. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons aller voir Léa, notre journaliste, qui a décidé de s'y mettre aussi au pédalage. Ah, mais nous avons une sélection tout à fait féminine, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Alors, Léa, tes impressions de ce petit vélo qui va pouvoir permettre d'amplifier le son du concert de ce soir ? Mais je sais pas si je pédale. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu de pédalage, tu vois, c'est pas la même chose que quand on dépénale. Peut-être qu'il faut monter ma selle, je sais pas. Ça peut être plus confiant, je pense. Ouais, bah voilà, c'est peut-être ça la solution à mon problème. Qui sait, je vais faire ça. Et est-ce que tu trouves que c'est dur de pédaler ? Oui, quand même. Quand même. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière personne du pédalage. Comment t'appelles-tu ? Cécile. Bonjour Cécile. Tu pédales depuis à peine une minute, là. Quelles sont tes impressions ? Bah, c'est étonnant de ne pas voir la route défiler sous soi. Mais bon, c'est quand même un bel environnement, donc... Un beau lieu pour pédaler tout de même. Exactement. Et est-ce que tu avais déjà vu ce genre de dispositif pour essayer d'avoir un générateur ? Aussi, dans les gares quand même, quand les gens rechargent leur téléphone. Mais sinon aussi, j'ai un copain qui fait le même genre de bazar. Donc, pour qui je travaille demain d'ailleurs. Tu pédales de nouveau demain ? Oui, je vais faire pédaler les gens plutôt. C'est mieux de faire pédaler que de pédaler ? Non, les deux sont chouettes. Eh bien, merci beaucoup pour ce pédalage qui nous permettra ce soir de pouvoir se trémousser au son de la musique amplifiée. Je viens de voir que vous êtes en train d'installer quelque chose. C'est pour faire quoi ? En fait, on a installé un système de production d'électricité qui fonctionne avec la force mécanique d'un vélo. Donc on a mis plusieurs vélos sur des stands d'entraînement, d'entraînement de cycliste, quoi. Et au bout, il y a un moteur qui génère de l'électricité. Et après, on la transforme pour alimenter le concert qui va commencer bientôt. Ok. Et vous êtes un collectif qui va fabriquer ça ou il y a des moyens de prêter votre matériel pour des lieux comme ça ? Oui, nous, on est une association Vélo M Carré. On est à Bruxelles et notre idée, c'est d'amener dans l'espace public des moyens de faire de l'électricité, d'utiliser cette électricité. Donc on fait des projections en plein air, de cinéma, on fait des sound systems, on fait des workshops, ce qu'il y a besoin, quoi. Et combien de temps on a besoin de pédaler pour avoir assez de puissance ? C'est de l'instantané. Donc là, notre idée, c'est pas de charger une batterie pour ensuite lancer le concert, c'est que pendant tout le concert, on va devoir pédaler. Donc on utilise l'énergie directement qu'on va avoir besoin, quoi. Donc tant qu'on veut de l'électricité, on pédale, quoi. Ouais. Si on arrête, ça coupe. Dans votre expérience, on a besoin de combien de gens environ pour tenir une heure ? Il faut une heure de personnes sur les vélos. Ouais. Mais c'est juste que les gens vont se relayer, quoi. Quand ils vont en avoir marre, avoir donné assez d'énergie, quelqu'un d'autre va monter sur le vélo et puis voilà. Il y a quand même un petit tampon qui nous permet de faire les relais. Vous avez fabriqué cela et si on a envie de fabriquer nous-mêmes, c'est facile à faire? Bah, c'est un peu chiant parce que pour faire ça bien et produire assez d'énergie pour faire des gros trucs, il faut un petit peu faire pas mal de petites ingénieries quoi, pour faire que les moteurs soient bien, toutes ces choses-là. Mais à petite échelle, genre pour charger un téléphone, c'est facile. Pour du low voltage, c'est très bien. Mais là, ici, notre idée, c'est qu'on a une en sortie, on sort du 230 volts alternatif, comme à la maison. Donc vous pouvez brancher tous les appareils électriques que vous avez à la maison sur notre système. Donc c'est ce qui nous permet d'être très versatile, mais il y a des solutions low-tech, comme ça, c'est la même chose en low-tech, c'est... À l'échelle individuelle, ça peut être fait, quoi. Et pour les gens qui ont envie de fabriquer ça, vous donnez des explications possibles? Oui, bah, vous pouvez toujours nous poser les questions. On a déjà organisé, par exemple, des workshops dans des maisons des jeunes où il y avait 4 maisons des jeunes et chaque maison des jeunes faisait fabriquait un système pour charger des téléphones. Donc ils avaient du coup, ils partaient à la fin du workshop avec un stand sur lequel ils pouvaient mettre un vélo et charger les téléphones dans leur association, dans leur maison. Ok. Et donc vous êtes à Bruxelles. C'était quoi de nouveau le nom? Vélo M carré. Okay. Vous pouvez me trouver vélom2.be. Voilà. J'ai revu que j'avais des yeux, une ligagne dans la bouche. Ça faisait des gros haricots et après, dans une poche quoi. Après, j'appuyais et ça sortait. Putain, c'était horrible. Du coup, j'allais chez le vendeur de fruits. Par la fleuriste qui me permettent de à terme mettre une fin au migal. J'étais horrible. Et je me suis rêvée. J'ai rêvé qu'il y avait des grands portiques au-dessus desquels on pouvait passer, mais on pouvait juste ramener un objet d'un endroit à un autre. C'était... J'ai rêvé qu'il y avait... des grands portiques en dessous desquels on pouvait passer, on pouvait ramener un objet d'un endroit à un autre. On ne pouvait pas faire la distinction entre les objets qu'on avait pris avant le portique et après le portique, alors on continuait en cercle, sans savoir à quel endroit on avait pris les objets, à quel endroit on les avait posés. J'ai rêvé que c'était un endroit qui correspondait un peu à un endroit qu'on avait déjà vu. J'ai rêvé d'un portique plus grand en dessous duquel tu passes pour transporter des objets. Mais avant le portique, il y avait des tirettes. Il fallait sélectionner une tirette par objet que tu prends. Et alors, après le portique, tu déposais la tirette sur une table qui était destinée à cet effet, mais personne ne comprenait, tout le monde se regardait. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais dans le rêve, il n'y avait pas vraiment de manifestation physique de ces tirettes. Elles étaient... Tout le monde savait qu'elles étaient là, mais personne ne pouvait les voir. Et il fallait se dépêcher. Parce que le rêve allait bientôt se terminer. Donc si tu étais en retard pour déposer tes objets, ça ne pouvait pas correspondre à la fin effective du rêve. Alors tu pourrais... peut-être te réveiller. Dans le rêve, on nous a dit ça. J'ai changé tous les plans. J'ai changé tous les plans pour arriver à l'heure. J'ai commencé à prendre une sorte de remorquable pour mettre les objets comme ça, très très vite, sans vraiment faire attention à comment ils étaient disposés. Mais c'était précipité, alors qui savait vraiment est-ce qu'on faisait la bonne chose? Fait nuit bientôt et en fait c'est un peu l'heure des chauves-souris. Moi c'est un peu l'heure que j'ai dans ma tête comme ça tous les soirs, je me dis tiens c'est le moment des chauves-souris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font les chauves-souris la nuit? Elles mangent. Et elles se réveillent. Elles se réveillent exactement. Et pourquoi elles se réveillent comme seulement maintenant? Bah parce que elles préfèrent le noir. C'est ça. Les chauves-souris elles préfèrent le noir. En fait c'est des animaux qui sont nocturnes, en tout cas sous nos latitudes. Et puis du coup, c'est des animaux qui donc sont actifs pendant la nuit, contrairement à nous. Et puis ça, c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. Vous avez peut-être déjà entendu parler des dinosaures? Oui. En tout cas, tout le monde connaît les dinosaures. Tout le monde, bah ouais, alors voilà. Tout le monde connaît les dinosaures, comme ça au moins, on a une base commune. Ça, c'est déjà pas mal. Et les dinosaures, ils vivaient il y a combien de temps? Ils sont vieux? Comme ça, hein? Ouais. Je sais même pas il y a combien de temps. Et du coup, c'était il y a très très très longtemps. Et du coup, c'était une époque où les dinosaures étaient très très... Ils étaient très grands, enfin certains d'entre eux. Et puis, donc ils prenaient énormément de place dans l'environnement. Et puis à un moment donné, il y a eu, à ce qu'on raconte, hein, des grosses météorites qui sont arrivées sur Terre et il s'est passé une extinction de masse qui a éliminé bon nombre, enfin une grande partie de la biodiversité sur Terre. Et c'est en fait suite à cette extinction massive il y a 65 millions d'années que un groupe qu'on appelle les mammifères ont commencé à se diversifier et à se répandre un peu partout. Et en fait, les chauves-souris sont des mammifères et ils sont apparus a priori il y a comme ça 50 millions d'années, on dit. On a des histoires, en tout cas des paléontologues qui ont travaillé sur ces questions-là et du coup ils ont trouvé des fossiles. Le fait que les chauves-souris soient devenues nocturnes sous nos latitudes, c'est des choses qui sont qu'il faut prendre en termes évolutifs. Et du coup ça fait 50 millions d'années que les chauves-souris elles se sont finalement adaptées gentiment à un environnement, à un milieu naturel, à des milieux naturels. Et c'est ce qui fait qu'on a sur Terre actuellement, on estime, on ne sait pas exactement, mais on estime à peu près 1400 espèces de chauves-souris sur la Terre. Du coup ça fait pas mal, hein. On estime, parmi les mammifères, c'est le deuxième groupe le plus diversifié, après les rongeurs. Les rongeurs, c'est tout ce qui est souris, ils peuvent être de taille, de couleur, et ils habitent à différents endroits aussi, mais du coup, ils sont très divers. Et du coup, les chauves-souris, c'est le deuxième groupe. Du coup, avec 1400 espèces qui habitent partout sur la Terre, à l'exception des pôles, là où il fait trop froid. Et puis, ici en Belgique, vous pensez qu'il y a combien d'espèces de chauves-souris si on dit qu'il y en a 1400 sur la planète comme ça? 120. D'accord. 200. 1400. 3. 70. Non mais c'est intéressant. En gros, ça va de beaucoup à très peu. Mais du coup, en Belgique, il y a à peu près 25 espèces de chauves-souris. Je dis à peu près, pourquoi? Parce qu'en fait, les chauves-souris, il faut avoir un truc, c'est qu'elles s'en foutent complètement des frontières. Que ce soit régional, politique, administrative ou quoi que ce soit. Du coup, c'est toujours des questions qui sont en fait hautement inintéressantes. En parlant de biodiversité, c'est qu'en fait on s'en fout complètement si on est en Belgique ou si on est au Luxembourg, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou quoi que ce soit. Du coup, on dit à peu près 25 espèces parce que du coup les biologistes s'intéressent à se dire ah, est-ce que la chauve-souris, elle gîte sur notre territoire? Est-ce qu'elle fait des petits sur notre territoire? Est-ce qu'elle chasse sur notre territoire? Et ainsi de suite. Mais du coup, voilà, à la louche, on dit qu'il y a 25 espèces de chauves-souris en Belgique. Et puis, avec ça, les chauves-souris en Belgique, bah, elles habitent à différents endroits. Il y en a certaines qui sont adaptées et qui sont exclusivement forestières. D'autres qui habitent dans des milieux souterrains. Et du coup, elles se partagent le territoire. Effectivement, certaines espèces se sont adaptées au milieu anthropisé qu'aux milieux qui sont largement exploités par l'homme, mais du coup elles y trouvent leur avantage comme ça. Et du coup elles sont là un peu partout en Belgique en fait, notamment ici. Du coup on est à Modave, sur ce joli, très joli site proche de. Enfin sur le site de l'ancienne carrière ici. Et puis ici on est dans le bassin de la Meuse, dans le bassin hydrographique de la Meuse. Et en fait ça forme une région naturelle à part entière en fait, qui est largement utilisée par tous les animaux, mais surtout les oiseaux et les chauves-souris, notamment comme couloir migratoire. Du coup, aux alentours de la Meuse, on trouve énormément une chouette diversité d'animaux, avifaune et chiroptérophone notamment, du coup oiseaux et chauves-souris. Et puis du coup voilà, on a la chance de se balader un peu ce soir. Et puis j'avais peut-être encore une question. Est-ce que toi tu sais ce qu'elles mangent les chauves-souris? Pas du tout. Mais tu dirais quoi? Plutôt des bonbons, des sandwichs ou autre chose? Des trois, tu dirais quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Autre chose. Plutôt sandwich, ok. Alors, un point pour les sandwichs. Des Haribo vegan. Haribo vegan, des moustiques, ok. Vous avez d'autres idées? Mais elle recrache des boules de poils. Non, ça c'est les chouettes. Non mais c'est intéressant, sang. C'est intéressant. Du sang, ouais. Des fruits. Ouais. Ok. Alors entre Haribo vegan, sandwich, sang, moustique, fruits. À deux trois petites exceptions, on a fait gentiment le tour du régime alimentaire. Alors à l'exception des bonbons Haribo et puis des sandwichs, ce qu'elles mangent pas vraiment. Mais du coup, les chauves-souris sur la planète mangent un peu tout ça. Du coup, on a des espèces qui sont frugivores, qui mangent des fruits. On a deux espèces sur les 1400 qui se nourrissent de sang. C'est des espèces qu'on appelle vampires. Ils sont ici. Du coup, c'est pas seulement un mythe. Il y a deux espèces de chauves-souris qui mangent du sang, mais elles habitent en Amérique centrale. Ouf, ici, super. En Belgique, il n'y en a pas. Moi, j'aime bien les vampires. Ouais. Bah, moi aussi, je les aime bien, mais c'est quand même cool s'ils habitent pas trop près de la maison, non? Bah, moi, j'ai envie d'être un vampire pour me transformer en chauve-souris ou en souris. Ah ouais, pas mal. Et alors, c'est des mouvements, c'est. Ouais. Ça arrivera à faire tout ça sur toi, tu penses? Plus. C'est que quand même, les vampires, ils captent ça tout ça. Dans les dessins. Mais par contre, ils mangent pas d'ail. Non. Ah non, ça non. Okay. Et de toute manière, j'aime pas l'ail. Alors, parfait. Ah, mais du coup, ici en Belgique, les chauves-souris sont exclusivement insectivores, du coup, elles mangent des insectes. De rares espèces s'amusent à aller chasser les. Et en fait, un peu par hasard, souvent, mais vont pêcher des poissons à la surface des cours d'eau ou des plans d'eau. Et du coup, mais la plupart du temps, majoritairement, elles se nourrissent d'insectes. Et puis, du coup, voilà. Ça, c'est. On a ici, je vous présente un oreillard. Du coup, c'est une espèce de chauve-souris qu'on a ici en Belgique, l'oreillard roux, qui s'apprête à attraper quoi? Un papillon. Un papillon nu. Un haribo volant. Un haribo vegan volant, oui. C'est bien ça. Cadier, partage, c'est cadier. Du coup, cet oreillard il est spécialisé sur les papillons de nuit, les hétérocères. Et puis du coup, il va se délecter de ça. Et du coup, l'oreillard, on le reconnaît bien parce qu'il a des très grandes oreilles. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, d'ailleurs. Ah, il est mignon. Et puis, du coup, comment les chauves-souris, elles font pour chasser comme ça, pour attraper les insectes? Bah, elles volent. Elles volent, mais du coup, elles font comment? Elles ont... Des ailes. Ouais. Ah ouais, ok, elles ont des ailes, ouais. Ouais. Avec les oreilles. Ah ouais. Elles ont des trucs avec les ultrasons. Ouais, radar. Ils peuvent regarder dans les noirs. Ok. Et du coup, elles arrivent... Donc, elles ont une bonne vue? Ouais. Non. Bonne vue, des bonnes oreilles. Des bonnes oreilles. Ou elles ont un bon odorat? Bonnes oreilles. Des bonnes oreilles. Bonnes oreilles, non? Non, des bonnes oreilles. Elles ont un truc avec les ultrasons là. Ouais, en fait les chauves-souris elles ont un système qu'on appelle d'écholocation. Et du coup elles émettent des sons. En fait elles crient et puis elles attendent d'avoir l'écho de leur propre son sur leur environnement. Et puis ça leur sert à se déplacer. Du coup pour savoir, ok, là j'ai une branche d'arbre, là il y a un groupe d'êtres humains, là-bas plus loin il y a une tente, une banderole avec des petits fanions. Et puis en gros pour pouvoir se déplacer, mais aussi si elles se déplacent, c'est pas juste pour rigoler, c'est pour se nourrir. Et du coup les chauves-souris elles vont comme ça se servir de leur ultrason qui est ultra hautement spécialisé. Souvenez, elles ont... Pardon ? On entend ce... Non, on peut pas l'entendre. En tout cas pas juste avec nos oreilles. Et parce qu'elles crient tellement aiguë qu'on les entend pas. Les vampires, on peut les entendre s'ils parlent tout près, mais il faut aller tout près, tout près. Non, mais si les vampires, est-ce qu'ils peuvent entendre les chauves-souris? Ça, c'est une très bonne question. Je sais pas, je dois avouer. Mais entre eux, elles se parlent comment entre elles? Alors, du coup, les chauves-souris émettent ces ultrasons pour donc se déplacer et attraper leur nourriture. Mais en plus de ça, elles émettent d'autres types d'ultrasons pour communiquer. On différencie vraiment les deux trucs. Il y a les sons d'écholocation pour se déplacer, avoir une idée de leur environnement et donc de où se déplace leur nourriture. Et puis des sons, des cris sociaux qu'elles émettent pour discuter entre elles, pour se raconter comment ça va, où est-ce qu'il y a de la nourriture, où est-ce qu'il faut rentrer à la maison et ainsi de suite. Du coup, on différencie ces deux types de sons-là. Est-ce que les ondes de GSM, de Wi-Fi, de je sais pas quoi, est-ce que ça les perturbe? Bonne question, je sais pas. Il faudrait pouvoir leur demander. A priori, pas trop, vu que du coup, les chauves-souris, en tout cas certaines espèces, sont largement tolérantes à nos activités et donc vivent un peu dans nos villes. Mais certes, passablement d'espèces sont aussi largement perturbées par ça. Donc voilà, la réponse est un peu double. Certaines sont dérangées, d'autres un peu moins. Les ondes sonores et les ondes radio, c'est pas le même type d'ondes. Effectivement, il y a les ondes sonores et les ondes électromagnétiques sont des choses différentes. Elles vivent en groupe, les chauves-souris? Oui, les chauves-souris vivent en groupe. C'est des animaux hautement sociaux et du coup qui se rassemblent en colonies pour passer l'été. Mais les chauves-souris, elles font quoi en hiver, vous savez? Elles hibernent. Comme on connaît plus ça pour les ours ou les marmottes, des animaux qu'il n'y a pas trop ici en Belgique en fait, mais du coup les chauves-souris... Les paresseux. Ils dorment tout le temps. Ah, mais ouais, alors eux ils dorment tout le temps, mais pour d'autres raisons, c'est parce qu'ils sont paresseux. Les chauves-souris, elles dorment pendant l'hiver une fois de plus sous nos latitudes parce que elles ont en hiver en fait il n'y a pas de nourriture pour elles vu qu'elles se nourrissent d'insectes. Du coup elles vont se mettre en léthargie pendant tout l'hiver, c'est-à-dire à peu près 6 mois de l'année, pour ne pas dépenser de l'énergie à voler un peu dans le vide, à ne pas trouver de nourriture. Du coup, elles hibernent à peu près entre octobre et mars, ici. Et puis, elles économisent comme ça de l'énergie. Et donc, elles vont hiberner un peu chacune pour elles. Parfois, elles se regroupent. Mais c'est surtout en été qu'elles vivent en grands groupes. On connaît des colonies qui vont jusqu'à quelques milliers, voire millions d'individus. Pas forcément ici en Belgique, enfin quelques milliers il y en a ici en Belgique, mais si on descend un peu au sud, alors on connaît des colonies, des grandes colonies, et du coup ça fait des rassemblements gigantesques. C'est seulement les femelles qui se regroupent, parce qu'elles s'occupent ensemble des petits. Elles ont combien de petits par année, vous savez? Est-ce que c'est comme les souris, où elles peuvent avoir plusieurs portées de plusieurs individus comme ça? Je dirais oui. 3. 2-3, ouais. Les chauves-souris ont un seul petit par année. Un seul petit par année, à condition qu'elle se soit reproduite l'année d'avant. Et du coup, un seul petit, ça veut dire que les chauves-souris sont des espèces qui sont extrêmement fragiles à des perturbations dans leur environnement. Parce qu'à force d'avoir un seul petit par année, du coup, s'il y a eu, admettons, une tempête ou alors une pollution à quelque part ou quoi que ce soit, et qu'il y a eu des taux de mortalité importants, alors les populations mettent beaucoup de temps à récupérer de leur santé comme ça. Mais vous savez quoi, en fait, moi je propose qu'on s'en aille un petit bout parce qu'il y a le concert qui a commencé. Et du coup, surtout que c'est l'heure, là, c'est clairement l'heure des chauves-souris pour de vrai. Du coup, on peut prendre le petit chemin et puis descendre jusqu'à la route. Ce soir, on a un peu décidé de venir se balader ici en bas. Pourquoi? Parce que les chauves-souris, vu qu'elles se nourrissent d'insectes, Elles sont là. Ça, c'était les chauves-souris. Les chauves-souris, vu qu'elles se nourrissent d'insectes ici en Belgique principalement, en fait, elles détestent le vent. Elle déteste la pluie. Oh. Alors directement, s'il pleut... Elles sont jamais là en Belgique. Bon, ok, c'est vrai. Pour de vrai, les chauves-souris belges, elles se sont un peu adaptées aux conditions météo quand même. Mais en vrai, elles aiment quand même pas trop ça. Et c'est pas parce que ça les embête, elles. Parce que du coup, c'est des mammifères, et puis elles peuvent se secouer un peu. Si elles sont un peu humides, c'est pas grave. Et s'il y a un peu de vent, elles s'en accommodent, elles arrivent à voler quand même. Mais le fait est que s'il pleut ou qu'il y a beaucoup de vent, du coup, leur nourriture reste au sol. Les insectes, ils n'aiment pas voler dans ces conditions-là parce que c'est des animaux qui sont tellement légers que du coup, une petite rafale de vent les emmènerait et les ferait mourir probablement. Ou disons, c'est un risque certain pour eux. Donc, ils vont éviter de voler. Et puis, les chauves-souris, elles volent, j'espère, un peu par plaisir, comme on disait avant, mais du coup, principalement pour se nourrir. Du coup, voilà, si les conditions sont pas bonnes, elles volent pas. Et puis ce soir, il y a un peu de vent, surtout si on monte un petit peu là sur la colline là où on se trouve. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir se balader ici, un peu plus bas. Et aussi qu'on se rapproche de la rivière. En quoi une rivière peut être intéressante pour une chauve-souris ? Il y a beaucoup d'insectes. Ouais, exactement. En fait, un milieu humide, du coup, une rivière, ou c'est pareil pour un étang ou un lac, ça devient hyper intéressant pour une chauve-souris parce que c'est un milieu naturel qui draine une diversité de plantes et donc une diversité animale qui est super intéressante. Et bon nombre d'insectes ici en Europe, et dans le monde en fait d'ailleurs, ont tout un stade de vie qui se passe dans l'eau. Souvent le stade larvaire des insectes se passe sous l'eau même. Du coup des animaux qui se développent pendant une année, deux ans, trois ans, voire plus. Et puis gentiment, hop, ils arrivent à l'âge adulte et puis ils quittent le milieu aquatique pour devenir aériens. Et puis c'est là que ça devient intéressant pour les chauves-souris parce que c'est une manne de nourriture incroyable. Et donc une rivière et les cordons boisés qui viennent avec les cours d'eau, c'est super intéressant pour les chauves-souris. Et avant de l'allumer, je vous présente quand même ma radio chauve-souris. Voilà, c'est ma radio chauve-souris. Parce qu'on en parlait brièvement avant, mais du coup les chauves-souris, elles émettent des sons pour se déplacer ou pour communiquer entre elles avec des sons qui sont tellement aigus que notre oreille humaine ne les entend pas. On parle d'ultrasons. Et nous, on entend dans une fourchette de ce qu'on appelle l'audible. Je vous donne des chiffres comme ça avec une unité qui parle peut-être à certaines d'entre vous. Mais du coup, on parle de kilohertz. Les hertz, donc, c'est des ondes qui se baladent dans le temps comme ça et dans l'espace. Et puis du coup, notre oreille nous permet d'entendre entre 0,2 et 20 kHz. Et il se trouve que les chauves-souris émettent entre 20 et 120 kHz. Autrement dit, largement inaudible pour nous. On connaît un peu la même chose, mais en dessous du domaine de l'audible pour nous, on parle d'infrasons. Et puis là, c'est le domaine un peu des baleines, par exemple. C'est donc des fréquences qui sont extrêmement basses. Puis là, on a eu un très bon exemple. C'est des choses qui nous font vibrer un peu. Les infrasons, c'est des longueurs d'onde qui se baladent comme ça. J'image un petit peu. Hein. Ça se déplace comme ça. Au contraire, les chauves-souris, ça se déplace comme ça. Et donc, les ultrasons se déplacent très mal dans l'espace. Parce que du coup, il faut une énergie folle pour qu'ils puissent se déplacer comme ça à longue distance. Mais du coup, tout ça pour dire que ça, c'est un appareil qui me permet d'entendre les chauves-souris. Ça permet d'entendre les ultrasons. Puis, je vais peut-être l'allumer comme ça avec vous, puis on regarde ce qui se passe. Ça fait du mal. Vous entendez ? Oui, on entend. C'est une voiture. La radio chauve-souris, elle fonctionne bien ce soir. C'est cool. C'est quoi sa portée ? C'est une excellente question. Les chauves-souris, elles émettent, je vous disais juste avant, entre 20 et 120 kHz. Laissons l'unité de côté, entre 20 et 120. Et c'est donc ces ondes qui se déplacent dans l'espace. Et plus la fréquence est élevée, moins elles se déplacent volontiers dans l'espace. Du coup, une chauve-souris qui émet aux alentours des 20 kHz, on va l'entendre à très longue distance. Très longue, c'est relatif, on parle de quelques dizaines de mètres. Peut-être 50, 60, 70 mètres. Une chauve-souris qui émet à 120 kHz, il faudra qu'elle passe là comme ça, entre nous, pour qu'on puisse l'entendre avec cet appareil-là. Quand tu dis entre 20 et 120, c'est elles qui modulent leur... Ouais, exactement. En fait, on dit que chaque chauve-souris a sa propre signature vocale. D'ailleurs, vous entendez, hein, c'est pas une chauve-souris, hein, c'est moi. Et en fait, la... Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez comme ça ? En fait, cet appareil-là, donc il fonctionne vraiment comme une radio. Là, vous voyez peut-être que le chiffre à l'écran, il change. Ouais. Là, il monte, ouais. Et là, il descend. Ouais. En fait, je peux vraiment le régler comme une radio. Et du coup, c'est exprès. Pourquoi ? Pardon ? C'est moi qui règle, ouais, avec une petite molette ici. Et du coup, en fait, ça devient intéressant parce que chaque chauve-souris a une signature vocale propre. Et donc, certaines chauves-souris émettent plutôt aux alentours des 20 kHz et certaines plutôt aux alentours des 100 kHz. Et parce qu'on parle toujours de l'inaudible, hein. de ces ultrasons. Et comment est-ce qu'on peut l'entendre ici en fait? C'est que cet appareil, la radio chauve-souris, elle me permet, par un petit processus électronique dans la boîte là, de me donner en fait la différence entre la fréquence émise par la chauve-souris, qui arrive au micro qui est là, et la fréquence à laquelle j'ai réglé mon appareil. Donc, pour faire plus simple, moi j'ai réglé mon appareil là sur 45. En gros, on va entendre toutes les chauves-souris qui passent qui émettent entre 65 et 25. Parce qu'on est dans les 20 au-dessus et en dessous. Et puis en vrai, c'est un peu moins que 20 parce que l'appareil il est un peu vieux et puis que c'est une technologie qui est à peu près incertaine. Donc en fait, on entend 10 au-dessus et 10 en dessous. Et là, on a... Qu'est-ce que vous entendez d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on entend? Plusieurs types différents. Ok. Puis quelqu'un entend autre chose? C'est quoi qu'on entend exactement là? Les clics. Les clics? Les ailes. C'est les ailes qu'on entend? Mais c'est quoi? Ouais. Tu penses que c'est le battement des ailes comme ça qu'on entend? Ou ça serait autre chose? Quelqu'un a une autre idée? Leur bouche, moi aussi, ça fait. Ouais. Leur bouche? Qu'est-ce que t'entends par leur bouche? Je sais pas. Bah le petit. Bah en fait, ce qu'on entend là, alors c'est pas leurs ailes. Souvent on pense ça, on pense entendre leur battement d'ailes comme ça. En plus, on les voit voler, elles volent très très vite. Mais en fait, ce qu'on entend littéralement, c'est chacun des sons là. Chacun des petits claquements comme ça. En fait, à chaque fois qu'on entend ça, en fait, elles crient. Littéralement, elles font... Ok, ça va. Je fais pas très bien la chauve-souris. Mais du coup, c'est chaque fois des cris. Et certaines chauves-souris, elles mettent les sons par la bouche, comme nous, on utilise nos cordes vocales. Du coup, elles ont des cordes vocales, elles utilisent leurs cordes vocales. Et en l'occurrence, il y a deux espèces ici en Belgique et en Europe, enfin, un peu plus en Europe, mais du coup, qui émettent des sons avec leur nez. Elles ont des nez très très particuliers. C'est un groupe d'espèces qu'on appelle les rhinolophes. Et du coup, ils ont des feuillets nasaux. C'est comme si nous, on avait des sortes de casous. Vous voyez ce que c'est les casous? Des casous dans le nez. Donc en gros, ils arrivent à faire vibrer une petite membrane dans leur nez qui leur permettent de faire des ultrasons. Et donc en fait, ce qu'on entend, c'est littéralement, à chaque fois qu'elle crie, on l'entend et c'est retransmis par un claque. Et avec ça, on peut apprécier des différences de quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Moi, j'entends des rythmes un peu particuliers. À part les voitures qui passent. Elles sont parties ou quoi? Mais elles sont où? Ah ça je sais pas hein. Déjà moi je crois qu'on a de la chance de les avoir entendues parce que c'était pas sûr hein. On a affaire à une faune sauvage qui est pas... on leur a pas donné rendez-vous ce soir. Il y a quelqu'un qui a un G-son ? Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Furtbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Donc nous allons passer maintenant à l'agenda. Donc tout d'abord, je vais vous énumérer les activités régulières. Alors, ce sont les activités du NMS Boxing Club, qui est un projet politico-sportif, un espace féministe et populaire qui véhicule des valeurs antifascistes, autogestionnaires, de respect mutuel et de transmission des connaissances et des expériences, un lieu d'entraide, de solidarité, d'apprentissage du sport et des luttes féministes. Donc ce club officie tous les lundis, mercredis, jeudi de 18h30 à 20h30 et le samedi de 11h30 à 13h30. Donc ça se situe à la Pompe, 185 rue Royale Sainte-Marie, Schaerbeek. Vous retrouverez toutes les infos sur Stut Info. Il y a également la permanence occupation qui a lieu tous les mercredis de 10h à 13h à Atoma, rue Pierre de Coster, 110, 1190, Forêt. Vous avez également la permanence squat à l'assaut du vide qui a lieu tous les lundis de 14h30 à 17h30 au Burtwinkel, 13 place Annessens à 1000 Bruxelles. Voilà, donc maintenant nous passons au jeudi 23 juin à 18h30 et de 18h30 jusqu'à 21h au Baume Café, rue Plettings numéro 7 à 1000 Bruxelles. Il y aura une soirée jeu qui s'appelle Panic à Wall Street. Un atelier gratuit, il faut s'inscrire, il y a une inscription indispensable. Et pour plus d'infos, il faut contacter anne.berger@financité.be. Donc vous avez un site également, où vous pouvez avoir plus d'infos, c'est www.financité.be/fr/event/p. Alors le 23 juin également, de 18h30 au DK, rue du Danemark, 70B, Saint-Gilles. Il y aura projection débat des ateliers urbains, filmer Bruxelles qui change. Alors, c'est le 17e atelier urbain. Et le film, c'est un film collectif sur Saint-Gilles, réalisé par un collectif d'habitants et d'habitantes bruxellois et bruxelloises, et qui s'appelle Place Net. Le vendredi 24 juin, 9h30, 17h30, au Reli F, séparer le E de F. 127 avenue Henri Jaspard, à 1060 Saint-Gilles. Il y a Quinoa qui propose 5 journées de formation pour décrypter notre système monde et explorer les pistes d'engagement citoyen et solidaire. Ces journées auront lieu jusqu'au mardi 28 juin inclus, au même endroit et à la même heure. Donc pour plus d'infos, et pour vous inscrire, il y a un site qui est quinoa.be/formation/reset-the-system. Alors, également le vendredi 24 juin, de 13h30 à 22h, au Nast Monique, quai de l'industrie 230 à 1070 Bruxelles, il y aura un festi assemblée. Belgium Housing Action Day. Comment s'organise-t-on pour faire monter la pression jusqu'à la prochaine édition du Housing Action Day le 26 mars 2023 ? Comment faire grandir le mouvement pour le droit au logement en Belgique ? Alors, il y a une inscription souhaitée. Vous pourrez garder le lien sur le site de Stut Info. Et pour toute question ou suggestion et remarque, vous avez un mail. C'est info@housing-action-d.be. Alors, toujours le 24 juin, de 16h à 23h, au Rosanera, 10 rue Volta, 1050 XL, le collectif Zone Neutre organise la table d'hôte de l'occupation Rosanera, Maison des Migrants, et c'est pour soutenir le lieu qui est un lieu social et de solidarité. Alors, le 25 juin 2022, de 10h30 à 23h30, au CPCR, Centre Polyculturel Résistance, 11 Jean Ruel à Liège, il y aura Festifal, le festival ardemment antiraciste. Donc, ardemment antiraciste, le festival est une initiative de peuple et culture organisée en partenariat avec le Front antifasciste de Liège 2.0, avec également le CPCR et la cible. Alors, cette année, le festival met en perspective la lutte contre les extrêmes droites, le racisme et les politiques migratoires, avec les indispensables combats pour la régularisation et la dignité des personnes sans papier. Quelques ateliers nécessitent une inscription préalable à consulter sur le site de Stut Info. Alors, le 25 juin également, de 14h à 17h, à la librairie Pépite Blues, rue Anoul 30, à Bruxelles, il y aura un club de lecture dans le cadre du Black History Month. Alors, le Black History Month Book Club, qui est mensuel, il est de nouveau de retour pour de nouveaux groupes de lecture et de partage. Chaque groupe accueillera jusqu'à 15 participants, participantes, sera animé par un membre de notre équipe BHM bruxelloise ou un ou une animatrice invitée et se déroulera dans la langue du livre couvert par la session. Alors, c'est un espace exclusivement réservé aux personnes noires et afro-descendantes. L'inscription doit se faire individuellement pour chaque session sur l'adresse brussels@blackhistorymonth.be. Alors ensuite, le mardi 28 juin 2022, de 18h à 20h, la Vieille Chéchette, rue du Monténégro, 2.6, 1060 Saint-Gilles. Alors, il y a un groupe de discussion qui s'appelle Fertility Friends, qui est un groupe de discussion et de soutien pour les femmes qui ont un projet de parentalité compliqué. Nous y parlerons d'infertilité, de PMA, de fausse couche, de monoparentalité. Et ça a lieu tous les deuxièmes et les quatrièmes mardis du mois. Le groupe est gratuit et ouvert à toutes les femmes concernées. Donc, vous pouvez envoyer un mail à fertilityfriends@protonmail.com. Ensuite, donc toujours le 28 juin, de 19h30 à 22h, Mondo N, rue Nanon, 98 à Namur. On vous demande de découvrir au fil de cette soirée, avec le groupe Informe Éthique, les enjeux environnementaux du numérique. Alors, l'inscription est obligatoire sur amidelaterre.be ou par téléphone au 081 39 06 39. Alors maintenant, passons au jeudi 30 juin, de 18h30 à 20h30. Il y aura un rassemblement qui aura lieu place du Conseil à Anderlecht. Pendant le Conseil communal du 30 juin à Anderlecht, l'interpellation sera à propos du projet immobilier Key West, qui s'appelle maintenant A-Rive, et de ses conséquences sur le quartier de Kurgem, le canal, les habitants et les habitantes, et les locataires, etc. Donc c'est à partir de 18h30. Samedi 2 juillet, de 11h à 14h, dans le cadre du projet Décolonisation de la pensée, il y aura une balade, Bruxelles en lutte, donc c'est la troisième balade, et elle se consacrera à la gentrification de Bruxelles. L'activité est entièrement gratuite. Une inscription est obligatoire sur l'adresse projet au pluriel @projeune.be. Les participants doivent apporter leur propre vélo. Le parcours a une durée estimée de 3 heures et d'environ 12 km. Alors, le rendez-vous se fait à 11h à Place Saint-Clet, numéro 2, 1080 Bruxelles. Alors, il y a une personne de contact qui s'appelle Nicolas Fernandez, ou alors vous pouvez le contacter par mail à projet@projeune.be ou alors au 02 502 35 02 ou 488-15-66-08. Voilà, et nous allons maintenant terminer avec le dimanche 3 juillet, car il y a une journée en hommage à Mehdi, et ça aura lieu toute la journée sur le terrain Mehdi Bouddha. Et alors, vous avez pour avoir plus d'infos, vous pouvez envoyer un mail à justicepourmehdi en un seul mot, @outlook.com. Et vous avez une page Facebook aussi qui s'appelle « Nous demandons la justice pour Mehdi ». Voilà. Bah, écoutez, bonne soirée. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de... Le transgenre. Le transgenre. Le transgenre.